Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Dixième épisode. Sur l'île grecque où Balthazar est venu passer quelques jours en compagnie de Dorley, les deux hommes ont évoqué l'arrivée à Alexandrie de Mountolive, nommé ambassadeur de Grande-Bretagne, et comment Perswarden l'a convaincu que nul complot copte ne se tramait en Égypte. Mountolive a pu ainsi retrouver avec bonheur son ami de jeunesse, Nessim. Lors d'une fête donnée en son honneur, Nessim lui a remis une lettre de Leïla qui refusait jusqu'ici de le revoir. Voulez-vous aller la lire tranquillement? Je vais vous faire ouvrir un salon privé. Oui, volontiers, oui. David, ton retour en Égypte, tu l'as peut-être deviné, m'a quelque peu bouleversée. J'en suis moi-même stupéfaite, je l'avoue. J'ai vécu si longtemps avec toi par l'imagination, et totalement seule ici, que je suis presque obligée maintenant de te réinventer pour te faire revenir à la vie. Je n'ai pas le courage de confronter ma vérité à la réalité. J'ai peur. Sois patient avec une stupide entêtée qui semble ne jamais savoir où elle en est. J'attends qu'au fond de moi la marée se renverse. Tôt ou tard, nous nous reverrons et nous souffrirons du coup que cela nous portera. Quand ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Patience. Ma pauvre hirondelle noire. Comme elle l'aimait, son David. J'y pense, Balthazar. Justine est arrivée en retard et Perswarden était absent. Ils étaient ensemble, c'est bien ça? Oui, mon cher ami. Ce soir-là, il s'était donné rendez-vous à Burk el Arab, au palais d'été de Justine. C'était quelques semaines à peine après que Nessim et Mélissa, eux aussi... Exactement. Vous connaissez les détails de cet épisode-là aussi. Oui. Par Mélissa ou bien par Nessim? Par l'un et l'autre. Darley, ne pensez pas que je sois cruel, mais mon bateau lève l'ancre dans une heure. Je dois partir. Tenez, votre manuscrit. Je l'ai annoté et je vous y ai livré tout ce que je sais. Mais, dites-moi, pourquoi voulez-vous savoir ? Tout ? Il faut que je sache tout pour être enfin délivré de la ville. Mais mon pauvre ami... Comment voulez-vous jamais vous délivrer de cette catin d'entre toutes les villes, de cette mer, de ce désert, ces minarets, ce sable? Je dois mettre tout cela noir sur blanc, froidement, jusqu'à ce que j'aie épuisé ma mémoire et mes désirs. Je sais que la clé que j'essaie de tourner est en moi-même. Soit. Allez, j'y vais. Mais avant, je voudrais vous voir l'enfant de Mélissa. Venez. Elle dort. Comme elle est belle et grave. Et adorable, avec son pouce dans la bouche. Un jour, Nessim désirera la voir. Il a déjà commencé à parler d'elle, vous savez. L'âge venant, il éprouvera le besoin de s'appuyer sur elle. N'oubliez pas ce que je vous dis là. Vous croyez ? Vous connaissez la vieille sagesse grecque. D'abord, les jeunes, comme la vigne, prennent appui sur les vieux tuteurs de leurs aînés, qui éprouvent du plaisir à sentir sur eux leurs doigts doux et tendres. Puis, les vieux prennent appui sur les beaux corps fermes des jeunes pour descendre dans leur propre mort. Ce sont les marins. Je vous accompagne jusqu'au canot. Un striptease d'adieu ? Cette eau est si tentante. Je vous suis à la nage sur ce bateau. Ne vous laissez pas happer par l'hélice. Mais rendez-vous. Attendez avant de partir. Tenez. Une rose d'Alexandrie, de la ville qui peut tout offrir à ses amants, sauf le bonheur. Balthazar, au revoir. Et maintenant, écrivez, si vous osez. Je saisis la précieuse rose entre mes dents et regagnai la plage de Galets en nageant une brasse irrégulière et en me parlant à moi-même. Là, sur la table, dans la clarté blonde de la lampe, à côté de l'enfant toujours endormi, se trouvait l'épais manuscrit de Justine, ainsi que je l'avais intitulé. Il était maintenant criblé de notes presque illisibles, de questions et de réponses écrites avec des encres de couleurs différentes. Il m'apparaissait comme le symbole même de la réalité où nous avions baigné, un palimpseste sur lequel chacun de nous avait laissé ses traces personnelles, couche après couche. Il faisait presque jour quand je me détachais du fascinant amas de feuillets avec les commentaires de Balthazar sur ma véritable vie. Il a fallu que je vienne si loin pour comprendre. Habitant ce promontoire désolé, loin de la poussière de ces après-midi d'été, je comprends maintenant qu'aucun de nous ne peut être jugé sur ce qu'engendra le passé. C'est la ville qui doit être jugée. Mais ce sont nous, ces enfants, qui devons en payer le prix. Mélissa, Mélissa. Grondement de trames brimbalant dans leurs veines de métal en pénétrant dans le midan au ton de rouille de Mazarita. Or, phosphore, magnésium, papier. C'est là que nous nous retrouvions souvent, Mélissa et moi. Mon amour. Agape. Serre-moi. Encore. Sans toi, je suis une barque qui prend l'eau. Tu entends ? Sans toi, je ne peux pas. C'était l'époque où Justine m'avait ensorcelé et où je me croyais aimé d'elle. Les notes de Balthazar me font aujourd'hui comprendre que Mélissa souffrait de cette liaison au-delà de ce que j'avais imaginé. Sa rencontre avec Nessim, ce soir de printemps à l'Étoile, le cabaret où elle dansait, en fut le signe le plus probant et le plus dramatique. Vaincue par la violence du malheur que je lui faisais subir, elle s'approcha de la table où il était assis, devant une bouteille de champagne vide, regardant la piste de danse d'un air pensif. Tremblant sous ses faux cils, elle lâcha quatre mots. Votre femme vous trompe. Ah mais... Mais de quel droit, vous ? Mélissa se précipita dans sa loge, un réduit fétide traversé par les tuyaux coudés d'où s'écoulait l'eau des toilettes. Elle avait peur. Elle savait que l'outrage à un puissant pouvait, selon les clauses de la ville, être rapidement et horriblement puni. Elle se rendait compte maintenant, avec terreur, de ce qu'elle avait fait. Et elle lutta contre une envie de crier. L'image de Selim enfla et vacilla dans l'éclat de miroir où elle se démaquillait, à la lueur dansante du manchon à gaz. Monsieur Hosnani vous attend dehors. Mélissa mit ce que sa pauvre garde-robe contenait de mieux et, traînant sa fatigue comme une lourde valise, elle suivit Selim jusqu'à la grande voiture qui stationnait tout feu éteint dans l'ombre épaisse. Ils roulèrent doucement dans le lourd crépuscule d'une Alexandrie que, dans sa panique, Mélissa ne reconnaissait plus. Dédaignant une mer qui avait pris les teintes d'un saphir, ils traversèrent les bas-quartiers en direction du lac Maréotis et des crassiers bitumeux du Mex. Lorsque la ligne pure des dunes se mit à luire sous l'éclat argenté d'une lune tardive, Nessim arrêta la voiture. Tirant maladroitement de sa poche un carnet de chèques, il dit d'une voix qui tremblait et les yeux pleins de larmes « Quel est le prix de votre silence ?» Si vous saviez comme j'ai honte, pardonnez-moi, je vous en prie. Je ne savais pas ce que je disais. Je suis si fatigué tout d'un coup. Moi aussi. Un immense soulagement les envahit au même moment. Et pendant une minute, ce fut comme s'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Ils roulèrent dans la nuit tiède et figée du désert. À la dernière côte avant l'oasis de Burj Al Arab, Nessim coupa le contact et laissa la voiture quitter la route. Venez, je veux vous montrer le palais d'été de Justine. Main dans la main, ils prirent le chemin de la petite maison. Le concierge était endormi, mais Nessim avait la clé. Les pièces sentaient l'humidité et l'abandon. Attendez, je vais allumer un feu dans la cheminée. Dites-moi maintenant, Mélissa, qui est-ce qui vous a envoyé me persécuter ? Mélissa devint rouge de confusion et se mordit les lèvres. Ils restèrent un long moment, assis devant le feu, goûtant ensemble la chaleur bienfaisante et le sentiment de partager un même désespoir. Nessim prit alors les mains de Mélissa dans les siennes et elle les lui abandonna, docile, timide, froide, des mains de cire. Il parlait maintenant comme l'auraient fait un frère et une sœur qui se retrouvent. Et du fond de cette sympathie, l'ombre inattendue du désir se leva en eux, un fantôme de désir, l'enfant bâtard de la confidence et de la délivrance. On dirait que ce n'est pas à moi que vous avez fait l'amour, mais... Justine ? C'est un peu vrai, mais pas totalement. Vous-même... Non. Ce n'est pas Darley que je cherche en vous, mais Justine aussi. Pour comprendre ce qu'il lui trouve. Nous étions tous les quatre complémentaires, inextricablement enchaînés. Vous avez changé de visage ? Vous êtes... Comment dit-on déjà ? Transfiguré ? Vous m'avez rendu à moi-même. Venez, on va se baigner. Longeant cette côte pure qui venait à peine de naître, il regardait les premières vrilles du soleil se dérouler d'un horizon à l'autre de la sombre et altière Méditerranée dont les bords touchaient au même moment Carthage, la Sainte, l'Englouti, Salamine et Chypre. Puis, nus et riants, ils pataugèrent dans l'eau glacée en se tenant la main. On aurait dit le premier matin depuis la création du monde. Voilà, déposez-moi au coin de cette rue. Au revoir, Mélissa. Somnolente et entièrement naturelle, Mélissa entra dans une petite église grecque et alluma un cierge devant l'image d'un saint. Elle s'agenouilla devant l'icône, retrouvant la consolation d'une habitude enfantine oubliée. Nessim. Il était d'une pâleur de mort, et il la contemplait avec une curiosité brûlante mêlée d'une immense tendresse. Ils s'enlacèrent avec une fougue déchirante. Non, je ne veux plus rien savoir, plus rien écrire là-dessus. La jalousie sexuelle est le plus curieux des animaux. Je me détourne de l'image des timides baisers de Nessim, des baisers de Mélissa qui choisissait en Nessim la bouche la plus proche de la mienne. C'est du moins ce que je veux encore croire. C'est à ce moment-là que la santé de Mélissa commença à s'altérer. Je l'attribuais à l'époque à l'évolution de la tuberculose qui la rongeait et à notre pauvreté. Parfois, l'idée fulgurante me traversait que la passion que j'éprouvais pour Justine lui avait enlevé tout désir de se soigner et de vivre. Si seulement j'étais Justine. Je sais que c'est à elle que tu penses quand tu fais l'amour avec moi. Non, ne dis rien. Je le sais, mon chéri. Je suis jalouse même de ton imagination. Ça doit être horrible d'avoir des remords en plus de toutes les autres misères. J'ai seulement besoin de repos. Mélissa, si tu savais comme je regrette. J'ai tellement besoin de repos. J'avais posé mon doigt sur sa bouche pour la faire taire. De même que j'avais relégué dans l'oubli la phrase terrible que Balthazar m'avait dite alors et qu'il venait de noter à l'encre rouge en marge de mon manuscrit. Ça l'aiderait si elle pouvait être un peu aimée. Comme nous tous, Pursewarden avait dû lui aussi se sentir responsable du désastre qui allait suivre. C'est entre Mélissa et lui que se joua la scène qui allait faire basculer et emporter notre petit monde. C'était un soir d'été. Nous habitions le même immeuble. Il était venu sonner à ma porte. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux, adapté par Eglal Herrera. 10e épisode avec Christophe Giordano, Darley, Anne Alvaro, Leila, Didier Sandre, Nessim, Gérard de Sarthe, Balthazar, David Jesselson, Mount Olive, Garance Clavel, Mélissa. Et les voix de Kader Kada, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.